Si vous voulez attendre, j'ai là 2000 francs. » Le baron tendit la main par un geste avide, effrayant. « Donne, Lisbeth, que Dieu te récompense. Donne, je sais où aller. » « Mais vous me le direz, vieux monstre. »« Oui, je puis attendre ces 8 mois, car j'ai découvert un petit ange, une bonne créature, une innocente, et qui n'est pas assez âgée pour être encore dépravée. » « Songez à la cour d'assises, » dit Lisbeth, qui se flattait d'y voir un jour Hulot. « Et c'est la rue de Charonne, » dit le baron Hulot, « un quartier où tout arrive sans esclandre. Va, l'on ne me trouvera jamais. Je me suis déguisée, Lisbeth, en père Torec. On me prendra pour un ancien ébéniste, la petite même, et je ne me laisserai plus manger la laine sur le dos. » « Non, c'est fait, » dit Lisbeth en regardant la redingote. « Si je vous y conduisais, cousin. » Le baron Hulot monta dans la voiture, en abandonnant Mademoiselle Élodie sans lui dire adieu, comme on jette un roman lu. En une demi-heure, pendant laquelle le baron Hulot ne parla que de la petite Atala Judicie à Lisbeth, car il était arrivé par degrés aux affreuses passions qui ruinent les vieillards, sa cousine le déposa, muni de 2000 francs, rue de Charonne, dans le faubourg Saint-Antoine, à la porte d'une maison à façade suspecte et menaçante. « Adieu, cousin, tu seras maintenant le père Torec, n'est-ce pas? Ne m'envoie que des commissionnaires, et en les prenant toujours à des endroits différents. » C'est dit. « Oh, je suis bien heureux !» dit le baron, dont la figure fut éclairée par la joie d'un futur et tout nouveau bonheur. « On ne le trouvera pas là, » se dit Lisbeth, qui fit arrêter son fiacre au boulevard Beaumarchais, d'où elle revint en omnibus, rue Louis-le-Grand.